Psaume 75. Psaume d'Asaph. Cantique donné au maître chantre, pour le chanter sur alta 7. Ô Dieu, nous t'avons célébré, nous t'avons célébré, et ton nom était près de nous, on a raconté tes merveilles. Quand j'aurai accepté l'assignation, je jugerai droitement. Le pays s'écoulait avec tous ceux qui y habitent, mais j'ai affermi ses piliers, c'est là. J'ai dit aux insensés, n'agissez point follement, et aux méchants, ne faites point les superbes. N'affectez point la domination, et ne parlez point avec fierté. Car l'élévation ne vient point d'Orient, ni d'Occident, ni du désert. Car c'est Dieu qui gouverne, il abaisse l'un, et élève l'autre. Même il y a une coupe en la main de l'Éternel, et le vin rougit dedans, il est plein de mixtion, et Dieu en verse, certainement tous les méchants de la terre en suceront et boiront les lits. Mais moi, j'en ferai le récit à toujours, je psalmodierai au Dieu de Jacob. J'humilierai tous les méchants, mais les justes seront élevés.